Chapitre 2. Je commence à craindre que cette aventure, qui avait eu de si heureux commencements, ne finît fort mal. Je ne vis rien de mieux à faire que de donner au cocher du marquis la véritable adresse de Monsieur Duportail. « Chez Monsieur Duportail, près de l'Arsenal, lui dis-je. » La marquise sentait mon embarras et le partageait. Aucun expédient ne s'était encore présenté à mon esprit quand nous arrivâmes à la porte de mon prétendu père. Il était chez lui. On lui dit que le marquis et la marquise de B lui ramenaient sa fille. « Ma fille » s'écria-t-il avec la plus vive agitation. « Ma fille !» Il la courut vers nous. Sans lui donner le temps de dire un seul mot, je me jetai à son col. « Oui, lui dis-je, vous êtes veuf et vous avez une fille. »« Parlez plus bas encore, » reprit-il avec vivacité. « Parlez plus bas. Qui vous l'a dit ?»« Eh mon Dieu, ne m'entendez-vous pas? C'est moi qui suis votre fille. » Gardez-vous de dire non devant le marquis. » Monsieur Duportail, plus tranquille mais non moins étonné, semblait attendre qu'on s'expliquât. « Monsieur, lui dit la marquise, Monsieur Duportail a passé une partie de la nuit au bal et l'autre partie chez moi. Êtes-vous fâché, monsieur, lui dit le marquis, qui remarquait son étonnement, que mademoiselle ait passé une partie de la nuit chez moi? Vous auriez tort, car elle a couché dans l'appartement de madame, dans son lit même, avec elle. On ne pouvait la mettre mieux. Êtes-vous fâché que je l'ai accompagnée jusqu'ici? J'avoue que ces dames ne le voulaient pas. C'est moi. Je suis très sensible, répondit enfin Monsieur Duportail, tout à fait revenu de sa première surprise, et d'ailleurs bien instruit par les discours du marquis. Je suis très sensible aux bontés que vous avez eues pour ma fille. Mais je dois vous déclarer devant elle, il me regarda, je tremblais, que je suis fort étonné qu'elle était au bal déguisée de cette façon-là. Comment déguisée, monsieur, interrompit la marquise. Oui, madame, un habit d'Amazone. Cela convient-il à ma fille? Ou du moins, ne devait-elle pas me demander mon avis et ma permission? Ravi de l'ingénieuse tournure que mon nouveau père avait prise, j'affectais de paraître humilié. « Ah, je croyais que le papa le savait, » dit le marquis. « Monsieur, il faut pardonner cette petite faute. Mademoiselle, votre fille, a la physionomie la plus heureuse. Je vous le dis et je m'y connais. Mademoiselle, votre fille, c'est une charmante personne. Elle a enchanté tout le monde, ma femme surtout. Oh, tenez, ma femme en est folle. » « Il est vrai, monsieur, » dit la marquise, avec un sang-froid admirable, « que mademoiselle m'a inspiré toute l'amitié qu'elle mérite. » Je me croyais sauvé, lorsque mon véritable père, le baron de Faublas, qui ne se faisait jamais annoncer chez son ami, entra tout à coup. « Ah ah ! » dit-il en m'apercevant. Monsieur de Portail courut à lui les bras ouverts. « Mon cher Faublas, vous voyez ma fille, que monsieur le marquis et madame la marquise de B me ramènent. »« Votre fille ? » interrompit mon père. « Eh oui, ma fille. Vous ne la reconnaissez pas sous cet habit ridicule. Mademoiselle, » ajouta-t-il avec colère, « passez dans votre appartement et que personne ne vous surprenne plus dans cet équipage indécent. » Je fis, sans dire mot, une révérence à madame de B, qui paraissait me plaindre, et une à la marquise, qui me voyait à peine, car au nom de mon père, elle avait été si troublée que je craignis qu'elle ne se trouvât mal. Je me retirai dans la pièce voisine et je prêtai l'oreille. « Votre fille ? » répéta encore le baron. « Eh oui, ma fille, qui s'est avisée d'aller au bal avec les habits que vous lui avez vus. Monsieur le marquis vous dira le reste. » Et effectivement, monsieur le marquis répéta à mon père tout ce qu'il avait dit à monsieur Duportail. Il lui affirma que j'avais couché dans l'appartement de sa femme, dans son lit même, avec elle. « Elle est fort heureuse, » dit mon père, en regardant la marquise. « Fort heureuse, » répéta-t-il, « qu'une si grande imprudence n'ait pas eu des suites fâcheuses. » Et « Quelle si grande imprudence a donc commis cette chère enfant ?» répliqua la marquise, que j'avais vue déconcertée, mais dont les forces étaient ranimées promptement. « Madame, » dit Monsieur Duportail à la marquise, « je le lui pardonne à cause de vous, » en s'adressant au marquis, « mais à condition qu'elle n'y retournera plus. »« En habit d'Amazone, soit, » répondit celui-ci, « mais j'espère que vous nous la renverrez avec ses habits ordinaires. Nous serions trop privés de ne plus voir cette charmante enfant. »« Assurément, » dit la marquise en se levant, et si monsieur son père veut nous rendre un véritable service, il l'accompagnera. » Monsieur Duportail reconduisit la marquise jusqu'à sa voiture en lui prodiguant les remerciements qu'il était présumé lui devoir. Leur départ me soulagea d'un pesant fardeau. « Voilà une bien singulière aventure, » dit monsieur Duportail en rentrant. « Très singulière, » répondit mon père. « La marquise est une fort belle femme. Le petit drôle est bien heureux. »« Savez-vous, » répliqua son ami, « qu'il a presque pénétré mon secret ? Quand on m'a annoncé ma fille, j'ai cru que ma fille m'était rendue et quelques mots échappés m'ont trahi. Eh bien, il a remède à cela. Faublas est plus raisonnable qu'on ne l'est ordinairement à son âge. Pour qu'il fût prodigieusement avancé, il ne lui manquait que quelques lumières, qu'il a sans doute acquises cette nuit. Il a l'âme noble et le cœur excellent. Un secret qu'on devine ne nous lie pas, comme vous savez, mais un honnête homme se croirait déshonoré s'il trahissait celui qu'un ami lui a confié. Apprenez le vôtre à mon fils. Point de demi-confidence, je vous réponds de sa discrétion. Mais des secrets de cette importance, il est si jeune. Mon cher Duportail, ou plutôt Lobzinski, puisque c'est votre véritable nom, croyez que vous ne vous en repentirez jamais. J'espère d'ailleurs que cette confidence, devenue presque nécessaire, ne sera pas tout à fait inutile. Mon cher Lobzinski, ne désespérez pas encore de votre fortune. Si votre fille existe, il n'est pas impossible qu'elle vous soit rendue. Si le roi de Pologne... » Mon père parla plus bas et tira son ami à l'autre bout de l'appartement. Ils y causèrent plus d'une demi-heure. Après quoi, tous deux s'étant rapprochés de la porte contre laquelle j'étais placé, j'entendis le baron qui disait « Je ne veux pas lui demander les détails de son aventure. Probablement ils sont assez plaisants. Je ne les entendrai pas avec l'air de sévérité qui conviendrait. Sans doute il vous contera de point en point son histoire. Vous m'en ferez part. » Je les entendis s'approcher de ma porte. J'allais me jeter dans un fauteuil. Le baron me dit en entrant « Ma voiture est là. Faites-vous reconduire à l'hôtel. Allez vous reposer. Et désormais, je vous défends de sortir avec cet habit. » « Mon ami, me dit M. Duportail, qui me suivit jusqu'à la porte, un de ces jours nous dînerons ensemble tête à tête. Vous savez une partie de mon secret, je vous apprendrai le reste, mais surtout de la discrétion. » Je l'assurai qu'il pouvait être tranquille. Dès que je fus rentré chez moi, je me mis au lit et m'endormis profondément. Il était fort tard quand je me réveillai. M. Persson et moi nous fûmes au couvent. Avec quelle douce émotion je revis ma Sophie. Sa contenance modeste, son innocence ingénue, l'accueil timide et caressant qu'elle me fit, un petit air d'embarras que lui donnait encore le souvenir du baiser de la veille, tout en elle inspirait l'amour, mais l'amour tendre et respectueux. Cependant, l'image des charmes de la marquise me poursuivait jusqu'au parloir. Mais que davantage précieux sa jeune rivale avait sur elle. Il est vrai que les plaisirs de la nuit dernière se représentaient vivement à mon imagination échauffée, mais combien je leur préférais ce moment délicieux où j'avais trouvé, sur les lèvres de Sophie, une âme nouvelle. La marquise régnait sur mes sens étonnés, mon cœur adorait Sophie. Le lendemain, je me souvins que la marquise m'attendait chez elle. Je me souvins aussi que le baron m'avait dit « Je vous défends de sortir avec cet habit ». D'ailleurs, comment me présenter chez la marquise sans être au moins accompagné d'une femme de chambre? Il ne fallait pas songer au comte qui, sans doute, n'était pas tenté de m'y conduire. Et le marquis ne trouverait-il pas singulier qu'une jeune personne sortît toute seule? Impatient de revoir ma belle maîtresse, mais retenu par la crainte de déplaire à mon père, je ne savais à quoi me résoudre. Jasmin vint me dire qu'une femme d'un certain âge, envoyée par Mademoiselle Justine, demandait à me parler. « Mademoiselle Justine m'a chargé de vous présenter ses respects, me dit la femme, et de vous remettre ce paquet et cette lettre. » Avant d'ouvrir le paquet, je pris la lettre, dont l'adresse était simplement à Mademoiselle Duportail. J'ouvris avec empressement et je lus. « Donnez-moi de vos nouvelles, ma chère enfant. Avez-vous passé une bonne nuit? Vous aviez besoin de repos? Je crains fort que les fatigues du bal et la scène désagréable que monsieur votre père vous a faite n'aient altéré votre santé. Je suis désolé que vous ayez été grondé à cause de moi. Croyez que cette scène trop longue m'a fait souffrir autant que vous. Monsieur le marquis parle de retourner au bal ce soir. Je ne m'y sens pas disposé et je crois que vous n'en avez pas plus envie que moi. Cependant, comme il faut qu'une maman ait de la complaisance pour sa fille, surtout quand elle en a une aussi aimable que vous, nous irons au bal si vous le voulez. Je n'ai pas oublié que l'habit d'Amazone vous est interdit et j'ai pensé que peut-être vous n'aviez point d'autre habit de bal parce que ce n'est point un meuble de couvent. C'est pour cela que je vous envoie l'un des miens. Nous sommes à peu près de la même taille, je crois qu'il vous ira bien. Justine a dit que vous aviez besoin d'une femme de chambre. Celle qui vous remettra ma lettre est sage, intelligente et adroite. Vous pouvez la prendre à votre service et lui donner toute votre confiance, je vous réponds d'elle. Je ne vous invite point à dîner avec moi. Je sais que M. Duportail dîne rarement sans sa fille. mais si vous aimez votre chère maman autant qu'elle vous aime, vous viendrez dans la soirée le plus tôt que vous pourrez. Monsieur le marquis ne dîne point chez lui. Venez de bonne heure, mon enfant, je serai seul toute l'après-dîner, vous me ferez compagnie. Croyez que personne ne vous aime autant que votre chère maman, la marquise de B. P.S. Je n'ai point la force de vous mander toutes les folies que le marquis veut que je vous écrive de sa part. Au reste, grondez-le bien quand vous le verrez. Il voulait ce matin envoyer en son nom chez monsieur du Portail. J'ai eu toutes les peines du monde à lui faire comprendre que cela n'était pas raisonnable et qu'il était plus décent que ce fût moi qui vous écrivisse. Je fus enchanté de cette lettre. « Monsieur, me dit la femme intelligente qui me la portait, Justine est la femme de chambre de madame la marquise de B, et si mademoiselle le veut bien, je serai la sienne aujourd'hui et demain. Au reste, monsieur ou mademoiselle peut également se fier à moi. Quand mademoiselle Justine et madame Dutour se mêlent d'une intrigue, elles ne la gâtent pas. C'est pour cela qu'on m'a choisi. Fort bien, lui dis-je. Madame Dutour, je vois que vous êtes instruite. Vous m'accompagnerez chez la marquise. » J'offris à ma duègne un double louis qu'elle accepta. Dès que le baron eut dîné, il partit pour l'opéra, suivant sa coutume. Mon coiffeur était averti. Un panache blanc fut mis à la place du petit chapeau. Madame Dutour me revêtit parfaitement du charmant habit de bal que madame de B m'envoyait et qui m'allait merveilleusement bien. Ma ressemblance avec Adélaïde devenait plus frappante. Mon gouverneur, ému, redoublait pour moi d'attention et de soin. Je pris des gants, un éventail, un gros bouquet. Je volai au rendez-vous que la marquise m'avait donné. Je la trouvai dans son boudoir, mollement couchée sur une ottomane. Un déshabillé galant parait ses charmes au lieu de les cacher. Elle se leva dès qu'elle m'aperçut, et, dès que la porte se fut fermée, « Que vous êtes charmant, mon cher Faublas, que votre exactitude me flatte. Mon cœur me disait bien que vous trouveriez le moyen de me venir joindre ici, malgré vos deux pères. » Je ne lui répondis que par mes vives caresses, et la forçant de reprendre l'attitude qu'elle avait quittée pour me recevoir, je lui prouvai déjà que ses leçons n'étaient pas oubliées lorsque nous entendîmes du bruit dans la pièce voisine. Tremblant d'être surpris dans une situation qui n'était pas équivoque, je me relevai brusquement, et grâce à mes habits très commodes, je n'eus besoin que de changer de posture pour que mon désordre fût réparé. La marquise, sans paraître troublée, ne rétablit que ce qui pressait le plus. Tout cela fut l'affaire d'un moment. La porte s'ouvrit, c'était le marquis. « Je comprenais fort bien, lui dit-elle, monsieur, qu'il n'y avait que vous qui puissiez entrer ainsi chez moi sans vous faire annoncer. Mais je croyais qu'au moins vous frapperiez à cette porte avant de l'ouvrir. » Cette chère enfant avait des inquiétudes secrètes à confier à sa maman. Un moment plus tôt, vous la surpreniez. On n'entre pas ainsi chez des femmes. « Bon, reprit le marquis, je la surprenais. » Il reprit avec moi ce mauvais ton de galanterie qui nous avait déjà tant amusés. Il trouva que j'étais parfaitement bien remise, que j'avais les yeux brillants, le teint fort animé, et même quelque chose d'extraordinaire et d'un très bon augure dans la physionomie. Ensuite, il nous dit « Belle dame, vous allez au bal aujourd'hui ?» La marquise répondit que non. « Vous vous moquez de moi. Je suis revenu tout exprès pour vous y conduire. » Je vous assure que je n'irai pas. Et pourquoi donc? Ce matin, vous disiez... Je disais que j'y pourrais aller, par complaisance pour mademoiselle du Portail, mais elle ne s'en soucie pas. Elle craint de retrouver là le comte de Rosembert, qui s'est fort mal comporté la dernière fois. Vous avez raison, me dit le marquis. Le comte est un de ces petits merveilleux qui croient qu'une femme n'a Dieu que pour eux. Il est bon que ces messieurs apprennent quelquefois qu'il y a dans le monde des gens qui les valent bien. Je compris son idée, et pour justifier ses propos, je lui lançai à la dérobée un coup d'œil expressif. « Et qui valent peut-être mieux » ajouta-t-il aussitôt, en renforçant sa voix, en s'élevant sur la pointe du pied et en prenant son élan pour faire une lourde pirouette qui l'acheva très malheureusement. Sa tête alla frapper contre la boiserie trop dure, qui ne lui épargna une chute pesante qu'en lui faisant au front une large meurtrissure. Honteux de son malheur, mais voulant le dissimuler, il parut insensible à la douleur qu'il ressentait. « Charmant enfant, me dit-il, avec plus de sang-froid, mais en faisant de temps en temps de laides grimaces qui le trahissaient. Vous avez raison d'éviter le comte, mais n'ayez pas peur de le rencontrer ce soir, il y a bal masqué. La marquise a justement deux dominos, elle vous en prêtera un, elle prendra l'autre. Nous irons au bal, vous reviendrez souper avec nous, et si vous n'avez pas été trop mal couché avant-hier... »« Oh oui, cela sera charmant, m'écriai-je avec plus de vivacité que de prudence. « Allons au bal !»« Avec mes dominos que le comte connaît ?» interrompit la marquise, plus réfléchie que moi. « Eh oui, madame, avec vos dominos. Il faut donner à cet enfant le plaisir du bal masqué. Elle n'a jamais vu cela. Le comte ne vous reconnaîtra pas. Il n'y sera peut-être pas même. » Cependant, la contusion que le marquis s'était faite devenait plus apparente, et sa bosse grossissait à vue d'œil. Je lui demandai d'un air étonné ce qu'il avait au front. Il y porta la main. « Ce n'est rien, » me dit-il avec un rire forcé. « Quand on est marié, on est exposé à ces accidents-là. » Je me souvins du supplice qu'il m'avait fait éprouver, quand ma main était dans les siennes. Et résolu de me venger, je tirai de ma bourse une pièce de monnaie. Je la lui appliquai sur le front, et me voilà serrant de toutes mes forces pour aplatir la bosse. Le patient pressait ses flancs de ses poings fermés, grinçait des dents, souffrait douloureusement et faisait d'horribles contorsions. « Elle a de la vigueur dans le poignet !» Je redoublai d'efforts. Il fit enfin un cri terrible, et m'échappant avec violence, il serait tombé à la renverse si je ne l'avais promptement retenu. « Ah, la petite diablesse! Elle m'a presque ouvert le crâne !»« Eh bien, je vais l'embrasser pour la punir. »« Pour me punir, soit !» Je présentai la joue de bonne grâce. Il se crut le plus heureux des hommes. Si j'avais voulu l'écouter, je n'aurais cessé de mettre au même prix son courage à l'épreuve. « Finissons ces folies, » dit la marquise, en affectant un peu d'humeur. « Allons-nous au bal ou n'y allons-nous pas ?» Elle se mit à sa toilette. On lui apporta ses dominos qu'elle ne voulut point mettre. Elle en envoyait chercher deux autres, dont nous nous affublâmes gaiement. « Vous connaissez le mien, » dit le marquis. « Je le prendrai pour vous aller chercher. Je ne crains pas d'être reconnu, moi. » Il nous conduisit au bal et nous promit de revenir à minuit précis. Dès que nous parûmes à la porte de la salle, la foule des masques nous environna. On nous examina curieusement, on nous fit danser. Mes yeux furent d'abord agréablement flattés de la nouveauté du spectacle. Les habits élégants, les riches parures, la singularité des costumes grotesques, la laideur même des travestissements baroques, la bizarre représentation de tous ces visages cartonnés et peints, le mélange des couleurs, le murmure de 100 voix confondues, la multitude des objets, leur mouvement perpétuel qui variait sans cesse le tableau en l'animant, tout se réunit pour surprendre mon attention bientôt lassée. Quelques nouveaux masques étant entrés, la contredanse fut interrompue et la marquise, profitant du moment, se mêla dans la foule. On se cherchait avec empressement, on s'observait avec inquiétude, on se joignit avec familiarité, on se quittait sans savoir pourquoi. L'instant d'après, on se reprenait de même en ricanant. L'un vous étourdissait de bruyants éclats de sa voix glapissante, l'autre, d'un ton nasillard, bredouillait sans platitude qu'à peine il comprenait lui-même. « Voilà donc ce que c'est qu'un bal masqué, » dis-je à la marquise. « Ce n'est donc que cela. Je ne suis pas étonné qu'ici de braves gens puissent être bafoués par des faquins et des gens d'esprit mystifiés par des sots. Je ne resterai sûrement pas si je n'étais point avec vous. « Taisez-vous, » me répondit-elle, « nous sommes suivis et peut-être reconnus. Ne voyez-vous pas le masque qui s'attache à nos pas ? Je crains bien que ce ne soit le comte. Sortons de la foule et ne vous étonnez pas. » C'était en effet M. de Rosembert. Nous n'eûmes pas de peine à le reconnaître, car ne prenant pas même celle de déguiser sa voix, il eut seulement l'intention de parler assez bas pour qu'il n'y eût que la marquise et moi qui puissions l'entendre. « Comment se porte Madame la marquise et sa belle amie ?» nous demanda-t-il avec un intérêt affecté. Je n'osais répondre. La marquise, sentant qu'il serait inutile d'essayer de lui faire croire qu'il se trompait, aima mieux soutenir une conversation délicate qu'elle aurait peut-être heureusement terminée par son adresse si le comte eût été moins instruit. « Quoi ? C'est vous, monsieur le comte ? Vous m'avez reconnu ? Cela m'étonne. Je croyais que vous aviez juré de ne plus me voir et de ne me parler jamais. » « Il est vrai que je vous l'avais promis, madame, et je sais combien cette assurance que je vous ai donnée vous a mise à votre aise. Je ne vous entends pas, et vous m'entendez mal. Si je ne voulais pas vous voir, qui me forcerait à vous parler ? Pourquoi serais-je venu ici chercher votre rencontre ? Chercher ma rencontre, madame ? Quoique l'aveu soit très flatteur, je conviens que j'aurais eu peut-être la sottise de le croire sincère, si cette chère enfant que voilà. Mais soyez tranquille, je n'abuserai pas de tant de bonté. Je craindrais trop de vous embarrasser beaucoup et de faire bien de la peine à ma jeune parente qui nous écoute si attentivement et qui a de si bonnes raisons pour rien dire. « Eh, monsieur, lui répliquai-je aussitôt, Que pourrais-je vous dire? Rien que je ne sache ou que je ne devine. Je conviens, monsieur de Rosembert, que vous savez quelque chose que madame ne sait pas. Mais, en affectant de lui parler bas, ayez donc un peu plus de discrétion. La marquise n'a pas voulu vous croire avant-hier. Que vous coûte-t-il de lui laisser, seulement encore aujourd'hui, une erreur qui ne laisse pas d'être piquante? Fort bien, s'écria-t-il, la tournure n'est pas maladroite. Vous, si novice avant-hier, aujourd'hui si ménager, il faut que vous ayez reçu de bien bonnes leçons. Que dites-vous donc, monsieur? Reprit la marquise un peu piquée. Je dis, madame, que ma jeune parente a beaucoup avancé en 24 heures. Mais je n'en suis pas étonné. On sait comment l'esprit vient aux filles. Vous nous faites donc la grâce de convenir enfin que mademoiselle du Portail est de son sexe? Je ne m'aviserai plus de le nier, madame. Je sens combien il est cruel pour vous d'être détrompée. Perdre une bonne amie et ne trouver à sa place qu'un jeune serviteur, la douleur serait trop amère. Ce que vous dites là est tout à fait raisonnable, répliqua la marquise avec une impatience mal déguisée. Mais le ton dont vous le dites est si singulier. Expliquez-vous, monsieur. Cette enfant que vous m'avez présentée vous-même comme votre parente, est-elle, en parlant très bas, mademoiselle du Portail ou monsieur de Faublas? Son air, ses traits, son maintien, ses discours, tout me dit qu'elle est mademoiselle du Portail. Et d'ailleurs, j'en ai des preuves que je n'ai pas cherchées. Des preuves? Oui, monsieur, des preuves. Elle a soupé chez moi avant-hier. Je le sais bien, madame. Et même, elle était encore chez vous hier à 10 heures du matin. À 10 heures du matin, soit. Mais enfin, nous l'avons reconduite chez elle. Chez elle, Faubourg Saint-Germain? Non, près de l'Arsenal, et monsieur son père. Son père, le baron de Faublas? Mais point du tout. Monsieur du Portail. Monsieur du Portail nous a beaucoup remercié, le marquis et moi, de lui avoir amené sa fille. Le marquis et vous, madame? Quoi? Le marquis vous a accompagné chez monsieur du Portail? Oui, monsieur, qu'y a-t-il de si étonnant à cela? Et monsieur du Portail a remercié le marquis? Oui, monsieur. Ici le comte partit d'un éclat de rire. Ah, le bon mari! S'écria-t-il tout haut. L'aventure est excellente. Ah, l'honnête homme de mari! Il se préparait à nous quitter. Monsieur, lui dis-je en baissant la voix, ne pourrait-on pas avoir avec vous une explication plus sérieuse? Il me regarda en riant. Une explication sérieuse entre nous ce soir, ma chère parente? Il souleva un peu mon masque. Non, vous êtes trop jolie. Je vous laisse aimer et plaire. D'ailleurs, il est juste que je profite aujourd'hui de mes avantages. L'explication sera pour demain, si vous le voulez bien. Pour demain, monsieur, à quelle heure et dans quel endroit? L'heure? Je ne saurais vous la fixer. Cela dépendra des circonstances. N'allez-vous pas souper chez la marquise? Demain, il sera peut-être midi quand le très commode marquis vous reconduira chez le très complaisant monsieur du Portail. Vous serez probablement fatigué. Je ne veux point user d'un tel avantage. Il faudra vous laisser le temps de vous reposer. Je passerai chez vous dans la soirée. Je ne vous dis point adieu. J'aurai le plaisir de vous revoir une fois encore avant que l'heure du berger sonne pour vous. Il nous salua et sortit de la salle. La marquise fut très contente de son départ. « Il nous a porté de rudes coups, me dit-elle, mais nous ne pouvions guère nous défendre mieux. Partons, ne l'attendons pas, n'attendons pas le marquis. » Nous nous disposions à sortir, lorsqu'il s'éleva dans la salle une grande rumeur. On se précipitait vers la porte, les masques se pressaient en foule autour de masques qui venaient d'entrer. Ceux-ci le montraient au doigt, ceux-là poussaient de longs éclats de rire et tous ensemble criaient. C'est monsieur le marquis de B qui s'est fait une bosse au front. Le tumulte allait toujours croissant. Nous approchâmes, nous entendîmes des voix confuses qui disaient « Bonsoir, monsieur le marquis. Qu'avez-vous donc au front, monsieur le marquis? Depuis quand cette bosse vous est-elle venue ?» Et bientôt, dans les transports de leur turbulente gaieté, tous les masques répétaient « C'est monsieur le marquis de B qui s'est fait une bosse au front. » À force de coudoyer nos voisins, nous parvînmes à joindre le masque tant bafoué. Ce n'était ni le domino jaune du marquis, ni sa petite taille, et cependant c'était le marquis lui-même. Nous vîmes qu'on avait attaché, entre ses deux épaules, un petit morceau de papier sur lequel étaient tracés, en caractères bien lisibles, ces mots, dont nos oreilles étaient remplies. C'est monsieur le marquis de B qui s'est fait une bosse au front. Il nous reconnut tout d'un coup. « Je ne comprends rien à ceci, » nous dit-il hors de lui. « Allons-nous-en. » Toujours suivi par les huées dérisoires d'une folle jeunesse, toujours porté par les flots tumultueux de la foule empressée, il eut autant de peine à regagner la porte qu'il en avait éprouvé pour pénétrer jusqu'au milieu de la salle. Nous le suivîmes de près. « Parbleu, nous dit le marquis, si confondu qu'il n'avait pas la force de prendre sa place dans la voiture. Je ne comprends rien à cela. Jamais je ne me suis si bien déguisé, et tout le monde m'a reconnu. Je voulais vous surprendre agréablement. Dès que je vous ai vu dans la salle du bal, je suis retourné à l'hôtel où j'ai fait part de mes projets à Justine, votre femme de chambre, et à celle de cette charmante enfant, car je les ai trouvés ensemble. J'ai pris un domino nouveau, je me suis fait apporter des souliers, dont les talons très hauts devaient, en me grandissant beaucoup, me rendre méconnaissable. Justine a présidé à ma toilette. » Tandis qu'il parlait, la marquise détachait habilement l'étiquette perfide et la fourrait dans sa poche. « Demandez à Justine, elle vous dira que je n'ai jamais été si bien déguisée, car elle me l'a répété 100 fois, et cependant tout le monde m'a reconnue. » La marquise et moi nous devinâmes aisément que nos femmes de chambre nous avaient bien servi. Mais, reprit le marquis après un moment de réflexion, comment ont-ils vu que j'avais une bosse au front? Aviez-vous compté mon accident? À personne, je vous assure. Cela est bien singulier. Quel fut notre étonnement lorsqu'en arrivant à l'hôtel, nous apprîmes que le comte nous y attendait depuis quelques minutes. Il vint à nous d'un air gai. J'étais sûr, mesdames, que vous ne resteriez pas longtemps à ce bal. C'est une assez triste chose qu'un bal masqué. Ceux qui ne nous connaissent pas nous y ennuient, ceux qui nous connaissent nous y tourmentent. « Oh !» interrompit le marquis. « Je n'ai pas eu le temps de m'y ennuyer, moi. Tu vois comme je suis déguisé. Eh bien, dès que je suis entré, tout le monde m'a reconnu. Ils m'ont d'abord entouré. « Eh ! Bonsoir, monsieur le marquis de B. Et d'où vient cette bosse au front, monsieur le marquis ?» Et ils me serraient, et ils me poussaient, et des rires, et des gestes, et un bruit. Je crois que j'en resterai sourd. Je veux être pendu, si jamais j'y retourne. Mais comment ont-ils su que j'avais cette bosse au front? Parbleu, elle se voit d'une lieue. Mais mon masque, cela ne fait rien. Tenez, moi j'ai été reconnu aussi. Mon aventure est assez drôle. J'ai rencontré là une fort jolie dame, qui m'estimait beaucoup, mais beaucoup, la semaine passée. J'entends, j'entends, dit le marquis. Cette semaine, elle m'a y conduit d'une manière si plaisante. Imaginez que j'étais au bal avec un de mes amis qui s'était fort joliment déguisé. La marquise, effrayée, l'interrompit. « Monsieur le comte soupe sans doute avec nous, » lui dit-elle de l'air du monde le plus flatteur. « Si cela ne vous embarrasse pas trop, madame. »« Quoi ?» interrompit le marquis. « Vas-tu faire des façons avec nous ? Crois-moi, essaie plutôt de faire ta paix avec ta jeune parente, qui t'en veut beaucoup. »« Moi, monsieur, point du tout. J'ai toujours pensé que monsieur de Rosembert était homme d'honneur. » Je le croyais trop galant homme pour abuser des circonstances. « Il ne faut abuser de rien, » me répondit le comte, « mais il faut user de tout. »« Qu'est-ce que c'est que des circonstances ? » s'écria le marquis. « Qu'entend-elle par des circonstances ? Quelles circonstances y a-t-il ? Rosembert, tu me diras cela. Mais conte-nous donc ton histoire. »« Volontiers. »« Messieurs, » interrompit encore la marquise, « on vous a déjà dit que le souper était servi. »« Oui, oui, allons souper, » répondit le marquis. Tu nous conteras ton malheur à table. » La marquise nous plaça de manière que le comte était entre elle et moi, et que je me trouvais moi entre le comte et le marquis. Un regard prompt de ma belle maîtresse m'avertit d'apporter à notre situation critique l'attention la plus scrupuleuse, de ne parler qu'avec ménagement, d'agir avec la plus grande circonspection. Le marquis mangeait beaucoup et parlait davantage. Je ne répondais que par monosyllabes aux douces phrases qu'il m'adressait. Le comte enchérissait sur les éloges du marquis. Il me prodiguait, d'un ton railleur, les compliments les plus outrés, assurait malignement que personne au monde n'était plus aimable que sa jeune parente, demandait au marquis ce qu'il en pensait. Et préludant avec la marquise par de légères épigrammes, il protestait qu'elle seule, jusqu'à présent, savait précisément combien Mademoiselle du Portail méritait d'être aimée. La marquise, également adroite et prompte, répondait vite et toujours bien. Mesurant la défense à l'attaque, elle éludait sans affectation ou se défendait sans aigreur. Très intéressée à pénétrer les secrets desseins du comte, dont la vengeance était si facile, elle l'examinait souvent d'un œil observateur. Puis, essayant de le fléchir en l'intéressant, elle l'accablait de politesse et d'attention, prétextait une forte migraine, traînait languissamment les 12 accents de sa voix presque éteinte et de ses regards suppliants sollicitait sa grâce qu'elle ne pouvait obtenir. Dès que les domestiques eurent servi le dessert et se furent retirés, le comte commença une attaque plus chaude qui nous jeta, la marquise et moi, dans une mortelle anxiété. Le comte. Je vous disais, monsieur le marquis, qu'une jeune dame m'honorait la semaine passée d'une attention toute particulière. La marquise, tout bas. Quelle fatuité. Oh, encore une bonne fortune. La matière est si usée. Le comte. Non, madame, une infidélité subite avec des circonstances nouvelles qui vous amuseront. La marquise. Point du tout, monsieur, je vous assure. Le comte. Cette dame était au bal, je ne sais plus quel jour. À la marquise. Madame, aidez-moi donc, vous y étiez aussi. La marquise, vivement. Le jour, monsieur, et qu'importe le jour. Pensez-vous d'ailleurs que j'ai remarqué. Le marquis. Passons, passons, le jour n'y fait rien. Le comte. Eh bien, j'allais à ce bal avec un de mes amis qui s'était déguisé le plus joliment du monde et que personne ne reconnut. Le marquis. Que personne ne reconnut? Il était bien habile, celui-là. Quel habit avait-il donc? La marquise, très vivement. En habit de caractère, apparemment. Le comte. Un habit de caractère, mais non. En regardant la marquise. Cependant, je le veux bien, si vous voulez. Un habit de caractère, soit. Personne ne le reconnut. Personne, excepté la dame en question, qui devina que c'était un fort beau garçon. Ici, la marquise somma un domestique, le retint quelque temps sous différents prétextes. Le marquis, impatienté, le renvoya, le contreprit. La dame, charmée de sa découverte, « Mais je ne veux plus rien dire parce que le marquis la connaît. » Le marquis, riant, « Cela se peut. D'abord, j'en connais beaucoup, mais cela ne fait rien. Continue. » La marquise. « Monsieur le comte, on donnait hier une pièce nouvelle. » Le marquis. « Eh, madame, laissez-le donc nous raconter. » Le comte. « Pour abréger, vous saurez que mon jeune ami plut beaucoup à la dame, que ma présence ne tarda pas à la gêner, et le moyen qu'elle imagina pour se débarrasser de moi. » La marquise. « C'est un roman que cette histoire-là. » Le comte. « Un roman, madame. Ah, tout à l'heure, si l'on m'y force, je convaincrai les plus incrédules. » Le moyen qu'elle imagina fut de me détacher une jeune comtesse, son intime amie, femme très adroite, très obligeante, qui s'empara de moi tellement. Le marquis. Comment? On t'a donc bien joué? Le comte. Pas mal, pas mal. Mais beaucoup moins que le mari qui arriva. Le marquis. Il y a un mari? Tant mieux. J'aime beaucoup les aventures où figurent les maris comme j'en connais tant. Eh bien, le mari arriva. Qu'avez-vous donc, madame? La marquise. Un mal de tête affreux. Je suis au supplice. Au comte. Monsieur, remettez de grâce un autre jour le récit de cette aventure. Le marquis. Et non, comte, compte donc, cela la dissipera. Le comte. Oui, je finis en deux mots. Mademoiselle du Portail au marquis, tout bas. Monsieur de Rosembert aime beaucoup à jaser, aimant quelquefois passablement. Le comte, sans écouter la marquise qui veut lui parler. Le mari arriva et... Ce qu'il y eut d'étonnant, c'est qu'en voyant la figure douce, fine, agréable, fraîche du jeune homme, si joliment déguisé, le mari crut que c'était une femme. Le marquis. Bon. Ah, celui-là est excellent. On ne m'aurait pas attrapé comme cela, moi. Je me connais trop bien en physionomie. Le comte. Il le crut si bien qu'il lui prodigua les compliments, les petits soins, et même, il en vint jusqu'à lui prendre la main et à la lui serrer doucement. Au marquis. Tenez, à peu près comme vous faites à présent à ma cousine. Le marquis, étonné, quittant promptement ma main qu'il tenait en effet. Il l'a fait exprès, me dit-il. Je crois qu'il voulait que la marquise s'aperçût de notre intelligence, qu'il est jaloux, qu'il est méchant. Et menteur, lui répliquai-je, menteur comme un avocat. Le comte, toujours sourd aux instances que la marquise avait eu le temps de renouveler, reprit. Tandis que le bon mari, d'un côté, épuisait les lieux communs de la vieille galanterie et pressait la main chérie, la dame, non moins vive mais plus heureuse, la marquise. « Eh, monsieur, quelle femme avez-vous donc connue? Vous nous peignez celle-là sous des couleurs. Ne se peut-il pas que, trompé comme son mari par les apparences, le comte. « Cela eût été possible, mais je crois que cela n'était pas. Au reste, vous allez en juger vous-même. Écoutez jusqu'au bout. » La marquise. « Monsieur, s'il faut absolument que vous racontiez cette histoire, je vous prie au moins de songer que vous devez quelques ménagements, en regardant Mademoiselle du Portail, à certaines personnes qui vous écoutent. » Le marquis. « Rosembert, madame, a raison. Gaze un peu cela à cause de cet enfant, en montrant Mademoiselle du Portail. » Le comte. Oui, oui. La dame fort émue. La marquise. Monsieur, de grâce, abrégez des détails qui ne sont pas honnêtes. Mademoiselle du Portail, d'un ton fort brusque. Il est minuit, monsieur. Le comte, fort durement. Je le sais bien, mademoiselle. Et si cette conversation vous ennuie, je ne dirai qu'un mot pour l'achever. Le marquis, à mademoiselle du Portail. Il est très piqué contre vous. Les amitiés que vous me faites, il est jaloux comme un tigre. La marquise. Monsieur le comte, à propos, pendant que j'y pense, avez-vous obtenu du ministre? Le comte. Oui, madame, j'ai obtenu tout ce que je voulais, mais laissez-moi. Le marquis. Ah, qu'est-ce que tu sollicitais donc? Le comte. Une petite pension de 10 000 livres pour le jeune vicomte de G, mon parent, il y a déjà plusieurs jours. Pour revenir à mon aventure. Le marquis. Oui, oui, revenons-y. La marquise. Il doit être bien content de vous, le vicomte. Le comte. La dame, fort émue. La marquise. Monsieur le comte, répondez-moi donc. Le comte. Oui, madame, il est très content. La dame, fort émue. La marquise. Et son cher oncle, le commandeur. Le comte. On est fort aise aussi, madame. Mais vous vous intéressez prodigieusement. La marquise. Oui, tout ce qui regarde mes amis me touche sensiblement, et cette affaire me tourmentait à cause de vous. Si vous m'en aviez parlé plus tôt, j'aurais pu vous y servir. Le comte. Madame, je suis très sensible, mais permettez-moi. La marquise. A-t-il en effet rendu quelque service à l'État, le vicomte? Le comte, en riant. Oui, madame. Sans lui, le duc de X n'avait pas d'héritier. La maison s'éteignait. La marquise. Mais si l'on récompense aussi magnifiquement tous ceux qui servent l'État de cette manière, je ne m'étonne pas de l'embarras où est le trésor royal. Le comte. Très bien, madame. Cependant, permettez. La marquise. Enfin, n'importe. Si jamais pareille occasion se présente, employez-moi, ou bien nous nous brouillerons mortellement. Le comte. Madame, je vous rends grâce. Permettez qu'enfin je reprenne le récit de mon aventure. Le marquis. Oh, si vous vous adressiez à d'autres, je ne vous le pardonnerai pas, je vous en avertis. Le comte. La dame, fort émue, prodiguait au jeune Adonis. La marquise. Quelle migraine j'ai! Le comte. Prodiguait au jeune Adonis. La marquise, tirant le marquis à part et lui parlant à mi-voix. Monsieur, je vous le répète, il n'est pas décent de compter devant cet enfant. Le marquis. Bon, bon, elle en sait plus qu'on ne croit. La petite personne est futée. Allez, je me connais en physionomie. Le comte. Monsieur le marquis, je ne pourrai jamais finir ce récit, on m'interrompt à tout moment. Mais je vais rentrer chez moi, et demain matin je vous enverrai tous les détails par écrit. La marquise. Bonne plaisanterie. Le comte au marquis. Non, je vous l'enverrai, parole d'honneur, et je mettrai les lettres initiales de chaque nom, à moins qu'on ne me laisse finir ce soir. Le marquis. Eh bien, allons donc, fini. La marquise. À la bonne heure, finissez, mais songez. Le comte. La dame, fort émue, prodiguait au jeune Adonis les confidences flatteuses, les doux propos, les petits baisers tendres. C'était vraiment une scène à voir. On ne peut la peindre, mais on pourrait la jouer. Tenez, jouons-la. Le marquis. Tu badines. La marquise. Quelle folie. Mademoiselle du Portail. Quelle idée. Le comte. Jouons-la. Madame sera la dame en question, moi je suis le pauvre amant bafoué. Ah, c'est qu'il nous manquera une comtesse. À la marquise. Mais madame a des talents précieux, elle peut bien remplir à la fois deux rôles difficiles. La marquise, avec une colère contrainte. Monsieur. Le comte. Je vous demande pardon, madame, ce n'est qu'une supposition. Le marquis. Mais sans doute, il ne faut pas que cela vous fâche. La marquise, d'une voix éteinte, les larmes aux yeux. Il s'agit bien des rôles qu'on m'offre, monsieur. Mais c'est qu'il est bien cruel que je me plaigne depuis une heure d'être formal, sans qu'on daigne y faire la moindre attention. Au comte, en tremblant. Peut-on, monsieur, sans vous offenser, vous observer qu'il est tard et que j'ai besoin de repos? Le comte, un peu touché. Je serai désolé de vous importuner, madame. La marquise. Vous ne m'importunez pas, monsieur, mais je vous répète que je suis malade et fort malade. Le marquis. Eh, mais comment ferons-nous? Où couchera mademoiselle du Portail? La marquise, vivement. En vérité, monsieur, il semble qu'il n'y ait pas un appartement dans cet hôtel. Effrayé de la tournure que l'entretien venait de prendre, je m'approchai du comte. Charmant enfant, me dit-il tout bas, laissez-moi. Tout ce que vous me direz ne vaut pas ce que je suis curieux de savoir au juste et ce que je vais apprendre tout à l'heure. Le marquis. Il y a des appartements, madame, mais cette enfant n'aura-t-elle pas peur toute seule? Le comte, avec vivacité. pas plus que la dernière fois. » Le marquis, brusquement, en montrant la marquise, « Mais la dernière fois, elle a couché avec madame. » Le comte, « Ah !» La marquise, troublée, balbutie, « Elle a couché dans mon appartement, et moi ?» Le marquis, « Elle a couché dans votre lit, avec vous, je le sais bien, puisque j'ai moi-même fermé les rideaux. Ne vous en souvenez-vous pas ?» La marquise, confondue, ne répondit pas. Le marquis continua, en affectant de parler bas. « Ne vous souvenez-vous pas que je suis venu dans la nuit ?» La marquise porta la main à son front, jeta un cri de douleur et s'évanouit. Je n'ai jamais pu découvrir si cet évanouissement était bien naturel. Mais je sais que dès que le marquis nous eut quittés pour aller dans son appartement, chercher lui-même une eau qu'il disait souveraine en pareil cas, la marquise reprit ses sens, rassura promptement Justine et la Dutour, accourue pour la secourir, leur ordonna de nous laisser et que, s'adressant au comte, « Monsieur, lui dit-elle, avez-vous donc juré de me perdre ?» « Non, madame, j'ai voulu m'instruire de quelques détails que j'ignorais. Vous prouvez qu'on ne me joue pas impunément et vous forcez de convenir que je suis capable de me venger. » « Je sens, ajouta-t-il en nous regardant malignement, je sens que je vais vous affliger tous deux. Vous vous étiez promis une nuit heureuse autant que celle d'avant-hier. Mais vous, monsieur, vous m'avez trop peu ménagé pour que je m'intéresse au succès de vos projets galants. Et vous, madame, vous n'espérez pas sans doute que, ministre complaisant de vos plaisirs, je puisse voir, comme un mari, chargez-vous de choisir l'épithète, je puisse voir M. de Faublas passer dans vos bras en ma présence même. M. de Faublas dans mes bras? Ou Mademoiselle du Portail dans votre lit, n'est-ce pas la même chose? Eh, mais madame, je croyais que là-dessus nous étions d'accord. Croyez-moi, le temps est cher. Ne le perdons pas à disputer plus longtemps sur les mots. Composons. Que cette charmante enfant m'accorde l'honneur de l'accompagner, que je la reconduise chez son père tout à l'heure, à cette condition, je me tais. » Le marquis entra, tenant un flacon. « Je suis très sensible à vos soins, lui dit la marquise, mais vous voyez que je suis un peu moins mal. Je voudrais être tout à fait bien, afin de pouvoir garder Mademoiselle du Portail. Comment ? S'écria le marquis. « Je suis toujours fort incommodé. Il est impossible que cette chère enfant passe la nuit chez moi. » « Eh bien, madame, n'y a-t-il pas, comme vous le disiez tout à l'heure, un appartement dans cet hôtel ?»« Oui, monsieur. Mais vous m'avez fait une objection à laquelle je me rends. Cet enfant aurait peur. D'ailleurs, la laisser ainsi, toute seule, je ne le souffrirai pas. »« Elle ne sera pas seule, madame. Sa femme de chambre est ici. »« Sa femme de chambre. Sa femme de chambre. »« Eh bien, monsieur, puisqu'il faut tout vous dire, monsieur du Portail ne veut pas que mademoiselle sa fille couche ici. »« Qui vous l'a dit, madame ?» « Monsieur le comte vient de m'annoncer seulement tout à l'heure que Monsieur du Portail l'a prié de passer ici pour lui ramener sa fille. »« Pourquoi donc ne nous as-tu pas dit cela tout de suite, toi ?»« Mais, » répondit Rosambert en riant, « c'est que je n'ai pas voulu troubler votre joie pendant le souper. » Je fis une profonde révérence à la marquise. Elle se leva et vint à moi pour m'embrasser. Monsieur de Rosambert se jeta entre elle et moi. « Madame, vous êtes si incommodée, ne vous dérangez pas. » Et la prenant doucement par le bras, il la força de s'asseoir. Ensuite, il prit ma main d'un air galant, et le marquis ne vit qu'avec le regret le plus vif Mademoiselle du Portail et la Dutour s'éloigner dans la voiture du comte. Au détour de la première rue, M. de Rosambert ordonna à son cocher d'arrêter. « Je connais ce visage-là, » me dit-il en regardant ma prétendue femme de chambre. « Je ne crois pas que le ministère de cette brave femme à vous soit agréable, cher M. de Faublas. Ainsi, nous nous dispenserons de la promener jusque-là. » La Dutour descendit sans répliquer un seul mot, et nous continuâmes notre route. Je fis remarquer au comte que nous étions libres enfin, qu'il avait trop abusé de l'embarras de ma position et qu'il ne pouvait se dispenser de m'accorder une prompte satisfaction. « Je ne vois ce soir que Mademoiselle du Portail, » me répondit-il. « Demain, si le chevalier de Faublas a quelque chose à me dire, il me trouvera chez moi. Nous ferons ensemble un déjeuner de garçon. Je dirai librement à mon ami ce que je pense de sa conduite. » Et s'il est raisonnable, j'espère le convaincre sans peine qu'il ne doit pas être si mécontent de la mienne. Cependant, nous arrivâmes à la porte de l'hôtel. Ce fut M. Persson lui-même qui me l'ouvrit. Il m'apprit que le baron avait attendu mon retour avec plus d'inquiétude que de colère, et que, désespérant enfin de me revoir ce soir, il ne s'était couché qu'après avoir recommandé 20 fois à Jasmin d'aller, dès qu'il serait jour, me chercher au bal ou chez le marquis de B.